Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, le schisme de Monseigneur Lefebvre. Schisme. À prononcer, entendre ce mot, on a le sentiment d'être renvoyé à nos manuels d'histoire. On pense Moyen-Âge, guerre de religion, croisade ou monarchie de droit divin. Et pourtant, le schisme de Monseigneur Lefebvre s'est déroulé il y a à peine 30 ans. Le 30 juin 1988, cet archevêque, Marcel de son prénom, consacre 4 évêques contre la volonté du pape. Cet acte provoque son excommunication. Il constitue également la dernière fracture à ce jour de l'Église catholique. Car le schisme est au cœur de l'histoire du christianisme. Il s'exprime par le refus de la soumission au Vatican ou de la communion avec les membres de l'Église qui lui sont soumis. Rupture orthodoxe, déchirure anglicane, réforme luthérienne et calviniste, ces soubresauts de l'histoire résultent d'un affrontement doctrinal ou théologique avec souvent en toile de fond des enjeux de pouvoir et des affrontements parfois violents, le sabre et le goupillon. L'histoire du schisme lefebvriste, c'est l'histoire de l'affrontement entre deux églises, une église intégrale et une église moderne, une régulière et une séculaire. Deux mouvements contraires dont la confrontation sur plus d'une décennie ne pouvait amener qu'au divorce. D'un côté, une volonté, celle de Rome, de faire évoluer le catholicisme au rythme de son temps, de son époque, de la modernité, pas trop vite tout de même. De l'autre, un refus, celui de Monseigneur Lefebvre et de ses fidèles qui eux défendent la tradition, l'autorité et l'ordre. Deux voies contraires qui reflètent deux visions du monde. Alors, comment la France, qui fut la fille aînée de l'Église avant de faire de la laïcité l'un des piliers de son système républicain, est-elle devenue le théâtre privilégié des mouvements intégristes? En quoi le schisme lefebvriste est-il l'expression d'un héritage, celui de la droite contre-révolutionnaire et maurrassienne, et ce, jusqu'à aujourd'hui? En seconde partie de l'émission, nous reviendrons sur ces questions avec Bernadette Sauvager, journaliste, spécialiste des questions religieuses au quotidien Libération. Vous entendrez également un reportage d'Anaël Verzeau qui s'est rendu à l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, temple parisien des catholiques traditionnalistes. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonhomme avec l'appui des documentalistes de Radio France. Attaché de production Fanny Cohen-Moreau, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle. À la technique aujourd'hui, Henri Bérec, au mixage, Basile Bocquer. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Juin 1988, Écône, dans le Valais suisse. Ces jours-là, ils sont près de 10 000 fidèles, venus du monde entier pour répondre à l'appel de Monseigneur Lefebvre. Là, sous l'immense chapiteau de toile dressé pour l'occasion, il est midi quand la cérémonie commence. Un étrange ballet débute alors de ceux qu'on pensait appartenir à des temps lointains. Diacres, sous-diacres, porte-insignes en soutane et en dentelle, prêtres, frères et sœurs, tous marchent au son des cuivres et des chants grégoriens. En tête de cortège, l'archevêque Monseigneur Lefebvre, 82 ans, s'avance. Il a revêtu son habit traditionnel, la chape dorée, les gants de velours, mitre sur la tête et crosse d'argent à la main. À ses côtés, 4 prêtres, les yeux baissés, suivent leur supérieur. Il y a là un Anglais, Richard Williamson, un Français, Bernard Tissier de Malray, un Espagnol, Alfonso de Galaterra, et un Suisse, Bernard Fellet. Ils ont entre 30 et 50 ans et appartiennent tous à la fraternité Saint-Pie-X, le séminaire qu'a fondé Marcel Lefebvre 20 ans auparavant, ici, à Écône. Pour la première fois, le chef de file de ce qu'on appelle désormais les intégristes s'apprête à ordonner des évêques, malgré l'interdiction du pape Jean-Paul II, réaffirmée quelques jours auparavant. Pour cette dernière bataille contre le Vatican, le signal envoyé est très fort. Les prêtres choisis sont jeunes et ils viennent de toute l'Europe. Une manière pour Lefebvre d'affirmer que sa relève est assurée. Lorsqu'il prend la parole, il réaffirme sa position et défend son geste. Tendez l'oreille, la qualité sonore laisse un peu à désirer, mais le propos est important. Je pense que c'est mon devoir de donner les moyens de faire ce que j'appellerais cette opération survie de la tradition. Et si j'avais fait cette opération avec Rome, en continuant les accords que nous avions signés et en poursuivant la mise en pratique de ces accords, je faisais l'opération suicide. C'est pourquoi aujourd'hui, en consacrant ces évêques, je suis persuadé de continuer à faire vivre la tradition de l'Église catholique. Benedicite, benedicite. Nos et que de toi rachetate sumus sumturi per Christum Dominum nostrum. Amen. La cérémonie se déroule selon un rituel immuable qui dure près de 4 heures et s'inscrit dans la plus pure tradition catholique. Imposition des évangiles sur les épaules, lecture de la formule d'ordination, onction des huiles saintes sur le front. Enfin, dans un dernier geste, Mgr Lefebvre remet l'anneau et la crosse au prêtre, désormais évêque. À ce moment précis, la rupture avec Rome est consommée, car c'est écrit dans le code de l'Église catholique. Le canon 1382 le stipule clairement. L'ordination sans mandat du pape déclenche une excommunication dite « latae centeniae », autrement dit, dans une langue vivante, immédiate. Quelques heures seulement après cette nouvelle provocation de Mgr Lefebvre, au Vatican, le porte-parole du Saint-Siège tient une conférence de presse. Le verdict, il est tombé peu après 13h30. Que ce soit Mgr Lefebvre ou que ce soit les évêques qu'il vient de consacrer, ils sont ipso facto excommuniés. C'est Joachim Navarro, le porte-parole du Vatican, qui parle. Les consécrations épiscopales faites ce matin à Écône, a-t-il rappelé, sont un geste consciemment et formellement schismatique. Le prélat rebelle vient de clore plus de 20 ans de lutte, 20 ans de tractations, de négociations entre lui et la curie romaine. 20 ans pendant lesquels Rome et les papes successifs ont essayé, en vain, de sauver l'unité d'Église. Oui, mais voilà. C'est justement cette église que combat Mgr Lefebvre, celle dont il ne reconnaît plus l'autorité, fille du Concile Vatican II, de la modernité œcuménique et libérale. Marcel Lefebvre vient de provoquer le premier schisme de la religion catholique depuis 1870, consécutif au Concile Vatican I. Alors, comment en est-on arrivé là? À l'instar de Rome, un schisme ne se fait pas en un jour. Il a fallu des événements, des étapes, des raisons pour rendre cette rupture inévitable. Qui est Marcel Lefebvre? Quel est son parcours? Quelles sont ses idées? Son combat? Que contient donc le fameux concile de Vatican II qui cristallise toutes les tensions? Retour sur 2 décennies d'affrontements au cœur de l'Église catholique. Je tiens à jeter un regard sur le passé. Oh oui, il nous faudrait retracer la figure de tous ceux qui ont travaillé sur ce sol, de tous ceux qui se sont épuisés dans leur labeur, et qui ont donné leur santé, leur cœur, ce qu'ils avaient de meilleur en eux pour fonder cette Église. Prenons garde d'oublier tout ce qui a été fait avant nous. Et si aujourd'hui nous recueillons ces fruits, nous les devons à eux avant tout. Aussi, du haut du ciel, tous ceux qui nous voient aujourd'hui doivent se réjouir avec nous. Tout à l'heure, ce n'est pas sans une émotion réelle que j'ai vu notre cher frère Fulgence, présent au Sénégal depuis 1887. Ce cher frère Fulgence est vraiment l'image de tous ces frères qui sont venus ici se dévouer sur cette terre du Sénégal, qui ont formé de bons ouvriers, qui ont formé de bons travailleurs. Oui, vraiment, cher frère Fulgence, je suis heureux de vous voir ici aujourd'hui. C'est sans doute là, en terre africaine, au Sénégal, que doit s'écrire le parcours de Marcel Lefebvre que vous venez d'entendre. Lorsqu'en 1955, le pape Pie XII le nomme archevêque de Dakar, il consacre le parcours d'un prélat exemplaire. Né en 1905 dans une famille très pieuse du nord de la France, Marcel Lefebvre embrasse tôt la voie du sacerdoce. Une foi, un catholicisme qu'il conçoit rapidement de manière intransigeante, offensive et prosélyte. D'abord dans le Nord, confronté aux militants socialistes et communistes anticléricaux, ensuite à Rome, où il intègre dans les années 20 le séminaire français des Pères du Saint-Esprit. Son professeur, Henri Le Floch, proche de l'Action française, se retrouve au cœur de la crise qui éclate entre l'Église et le journal maurassien. Le renvoi d'Henri Le Floch marquera longtemps le jeune élève. Il continue malgré tout sa brillante carrière. Ordonné évêque à Lille, sa ville natale, en 1929, il part sur le continent noir, d'abord comme professeur au Gabon, puis comme vicaire apostolique en Afrique francophone. « Si pour Marcel Lefebvre, les années romaines sont celles des convictions, la période africaine est celle du terrain. Construction d'églises et d'écoles religieuses, progression des baptêmes, formation d'un clergé local. Lefebvre se fait catholique bâtisseur. Mais c'est durant cette période que surviennent également les premières embûches d'un parcours idéal. D'abord, la mort du pape Pie XII, son principal soutien en 1958. Ensuite, son caractère rigoriste qui commence à inquiéter la curie. L'indépendance du Sénégal en 1960 précipite son retour en France. Opposé à la décolonisation, il est nommé au diocèse de Tulle, mutation qu'il vit comme une sanction. Enfin, et surtout, en 1962, un événement exceptionnel débute à Rome, événement qui va tout basculer. Pour 500 millions de catholiques, c'est l'événement du siècle qui a commencé à Rome avec la procession vers la basilique Saint-Pierre de 2400 pères de l'Église. Autrement dit, de la quasi-totalité des archevêques, des évêques, des patriarches, des supérieurs d'ordre venus des quatre coins du monde. Cette procession exceptionnelle préludait à l'ouverture par le pape Jean XXIII du concile écuménique. Une foule immense de fidèles, 300 000, la place Saint-Pierre n'en contient pas plus, était là pour saluer le souverain pontife. Un peu plus tard, la grande nef de Saint-Pierre offrait le spectacle du pape et des pères rassemblés pour débattre des questions qui intéressent tout le monde catholique. Spectacle rarissime puisque c'est la 21e fois seulement dans l'histoire de l'Église que le concile est réuni. Lorsque le 11 octobre 1962 débute le concile de Vatican II, l'événement est historique. Pensez donc, une telle réunion des évêques du monde entier et de l'ensemble de la hiérarchie catholique n'avait pas eu lieu depuis 1870. Le pape Jean XXIII lance ce concile avec un triple objectif. Faire la démonstration de l'unité de l'Église, lui donner une orientation nouvelle, une ouverture, une inscription dans son temps, celui des années 60, et enfin adapter la liturgie pour dynamiser l'Église et son attractivité, à un moment où la pratique des croyants et le nombre des futurs prêtres se réduisent. Bref, Rome perd ses ouailles. Le pape Jean XXIII, que ses pères avaient élu comme un pape de transition, les prend tous de vitesse. Le souverain pontife à l'allure de vieillard débonnaire est plus moderne qu'eux. Marcel Lefebvre participe au concile et très vite il se retrouve dans la minorité opposée aux grandes lignes fixées par le pape. Une opposition qu'il n'hésite pas à médiatiser. Le 15 octobre 1963, il organise une conférence de presse au cours de laquelle il expose son refus de la collégialité, où il dénonce la reconnaissance de la liberté religieuse et critique l'œcuménisme. Autant de thèmes au cœur des discussions. Pourtant, malgré cette opposition, Marcel Lefebvre finit par ratifier la plupart des actes du concile, dernière marque de respect envers l'autorité pontificale. Les résultats du concile de Vatican II, qui s'achève en 1965 sous le patronage d'un nouveau pape, Paul VI, engagent l'Église sur la voie de la modernité. La déclaration Dignitatis Humanae, notamment, est une vraie rupture, car elle reconnaît la liberté religieuse et elle admet la primauté de la conscience. En ouvrant le dialogue avec les laïcs et les autres religions, l'Église, qui jusque-là n'accordait point de salut en dehors d'elle, vient d'entamer une révolution, ce qui est particulièrement saisissant pour une institution habituellement sclérosée. Et puis, il y a cette réforme de la liturgie, notamment de la messe, qui touche, cette fois, concrètement les croyants et sur laquelle insistent les journalistes. 1965, pour la liturgie, sera une grande date, puisque demain dimanche, pour la première fois, la messe va être dite en grande partie en français. C'est conforme à la volonté du concile, volonté approuvée par le pape, et qui tente à réformer de plus en plus la liturgie, afin que dans chaque pays, la langue nationale remplace le plus possible le latin. Cela afin de faire participer de plus en plus les fidèles à la liturgie. L'abandon de la messe en latin au profit des langues vernaculaires, sur ce point, Marcel Lefebvre avait reconnu la nécessité d'une réforme. Le rite détermine toujours une vision de la religion et donc du monde. Alors, durant 3 ans en fonction à Rome, Marcel Lefebvre continue de critiquer le concile jusqu'au cœur de la curie. La situation n'est plus tenable. Lefebvre quitte Rome et se dirige vers la Suisse. C'est sur les terres helvètes que commence sa résistance. En 1970, dans le Valais, à Écône, il fonde la Fraternité Saint-Pie-X. Il met en place une formation traditionnelle selon ce qu'il estime être la voie de l'Église véritable, ordre, soutane, cheveux courts, autorité. L'évêque de Fribourg accorde à la fraternité Saint-Pilis la reconnaissance de l'Église catholique, mais ne l'autorise pas à ordonner des prêtres. La porte reste cependant entrouverte, Lefebvre pourra en faire la demande, dans 6 ans. Au début, personne ne croit vraiment à ce séminaire perdu au milieu de la montagne. Mais au fil du temps, celui-ci accueille de plus en plus d'élèves. Et il s'internationalise, ouvrant des succursales en Allemagne, en Argentine, aux États-Unis. Alors, inévitablement, les journalistes s'intéressent à ce lieu et réalisent des reportages. Notre séminariste à Écône s'est accepté d'être formé selon la méthode traditionnelle. C'est accepté de passer ici 6 années d'études, avec 5 heures de cours par jour, le travail personnel, la prière personnelle et les offices religieux. Il n'y a qu'une foi, et il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où on ne la trouve pas. J'ai essayé un séminaire diocésain en Angleterre, c'était absurde. J'ai essayé une congrégation religieuse à Londres, on n'a pas voulu de moi parce que je cassais les vitres, alors il a fallu venir à Écône. Et ici, moi et les vitres, ça va ensemble. Fort de son succès, Marcel Lefebvre accentue son opposition à Rome. L'affrontement direct commence en 1974. Au sein de son séminaire, l'archevêque refuse de célébrer la messe selon le rite du Concile Vatican II. Paul VI veut le rappeler à l'ordre, évidemment, pas question de remettre en cause l'unité liturgique de l'Église. Il nomme une commission et des émissaires sont envoyés à Écône au mois de novembre. Outré par la démarche, Lefebvre publie une déclaration en forme de manifeste, ce qui met le feu aux poudres. Dans la forme et sur le fond, le texte diffusé le 21 novembre 1974 est particulièrement violent. Il y instruit le procès de Vatican II, qualifie les réformes qui en découlent d'hérétiques, parle de tendances néo-protestantes ou néo-modernistes, insinue l'idée d'un complot fomenté au cœur de la curie romaine, évoque la démolition de l'Église en cours. Rien que ça, une profession de foi en forme de déclaration de guerre. Face à la violence des accusations, le pape choisit la voie du dialogue. Les positions se mettent en place. D'un côté, un Marcel Lefebvre sûr de son fait et ouvertement violent. De l'autre, le Vatican, qui pour éviter la rupture et l'esclandre, choisit la voie de la négociation. À l'hiver 1975, Marcel Lefebvre est reçu à Rome par une commission devant laquelle il revient sur ses propos concernant le pape Paul VI, certes, mais il ne cède rien sur le fond. De son côté, le pape lui envoie plusieurs lettres pour essayer de le raisonner. Rien n'y fait. Le prélat rebelle décide même d'aller plus loin. Alors qu'il lui est interdit d'ordonner des prêtres, il passe outre un acte qui ne peut rester impuni. Le 22 juillet 1976, il est donc frappé d'une suspension ad divinis. Il ne peut plus célébrer la messe et conférer les sacrements, deuxième étape dans l'escalade de la rupture. Car comme il le confirme devant les caméras d'Antenne 2, il n'est pas prêt à plier. Vous êtes suspendu à Divinis et la prochaine étape du conflit risque fort d'être l'excommunication. Êtes-vous à un point de non-retour ou envisagez-vous de vous soumettre ? Si on ne me juge pas d'une manière conforme aux lois de l'Église et que on continue à m'interdire tout procès canonique, enfin légal, et qu'on me frappe sans m'entendre, sans pouvoir me défendre, sans me donner d'avocat, sans me permettre de voir le Saint-Père, rompant absolument tous les liens de mon côté, pour moi je ne tiens aucun compte des peines qui peuvent encore m'arriver ou de celles qui me sont arrivées. Benedicite, benedicite, amen. Le durcissement des positions, l'intransigeance de Marcel Lefebvre et les sanctions de Rome ont pour principal effet de médiatiser sa cause et d'asseoir sa popularité dans les groupes traditionnalistes. L'exemple le plus éclatant de cette expansion se déroule à Paris le dimanche 27 février 1977. Ce jour-là, à l'heure de la messe, Mgr Ducos Bourget, accompagné des abbés Seralda, Juan et Coache, prend la tête d'un groupe d'une centaine de fidèles et se dirige vers l'église Saint-Nicolas du Chardonnay pour occuper le lieu et dire la messe en latin. L'événement donne un écho supplémentaire à la cause lefébriste qui s'empresse d'apporter son soutien à ce carteron de prélat nostalgique de l'Église du Moyen-Âge. En France, l'événement relance aussi la dimension politique du mouvement lefébriste. Ses déclarations sur la dictature argentine de Videla, qu'il soutient, et ses œillades à Jean-Marie Le Pen le rapprochent de l'extrême droite. De la messe, ils feront un drapeau, avait annoncé un cardinal au pape Paul VI. Et c'est en effet sur la messe que se cristallise l'opposition entre les rebelles et Rome, et c'est sur ce point précis que Mgr Lefebvre décide de poursuivre son combat. Un an après l'occupation de Saint-Nicolas du Chardonnay, au cœur de l'été 78, l'archevêque annonce qu'il tiendra une grande messe traditionnelle à Lille le 29 août. La nouvelle est reprise dans la plupart des médias. Qui s'interroge ? S'approche-t-on de la rupture définitive ? Le mot schisme est évoqué à plusieurs reprises. Sanctionné, Lefebvre ne peut célébrer la messe, encore moins dans la forme abandonnée par Concile Vatican II. Malgré les mises en garde de Rome, le 29 août 1978, au jour J et à l'heure dite, devant 7000 fidèles, Mgr Lefebvre célèbre sa messe à Lille. Détruire l'Église par obéissance. Et nous la voyons détruite tous les jours sous nos yeux. Les séminaires vides. Ah, c'est précisément parce que cette union voulue par ces catholiques libéraux, voulue entre l'Église et la Révolution et la subversion, est une union adultère de l'Église, adultère. Et de cette union adultère ne peut venir que des bâtards. Nous savons ce qu'a valu le dialogue avec le diable, le premier dialogue d'Ève avec le diable. Elle nous a perdus, elle nous a tous mis dans l'état de péché, parce qu'elle a dialogué avec le diable. On ne dialogue pas avec le diable, et on prêche avec ceux qui sont sous l'influence du diable, afin qu'ils se convertissent, afin qu'ils viennent à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne dialogue pas avec les communistes. Heureusement que les chrétiens du Nord ne sont pas d'accord avec vous. Chacun est communiste. Chacun est communiste. Viens ici. Je fracasse. Dans le rouge. On dialogue avec les personnes, mais on ne dialogue pas avec l'erreur. Nous sommes les continuateurs de l'Église catholique. Ce sont ceux qui font les nouveautés qui partent dans le schisme. Nous, nous continuons la tradition. Ou comment mettre de l'huile sur le feu ? Alors, jusqu'où ira Mgr Lefebvre dans sa rébellion contre l'autorité pontificale ? La question, en 1978, est sur toutes les lèvres. Une année marquée par la mort de Paul VI, puis de Jean-Paul Ier. Un nouveau pape doit donc être élu. Parviendra-t-il, celui-là, à convaincre Mgr Lefebvre et ses fidèles de conserver l'unité de l'Église ? My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. Should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak, a fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death. The good God, let me give you my life. Take me to church. I'll worship like a dog at the shrine. À 18h19, la fumée blanche apparaît au-dessus de la chapelle Sixtine. Aussitôt, Radio Vatican confirme, un nouveau pape a été élu. C'est le 264e pape, élu donc après 8 tours de scrutin d'un conclave qui aura duré 2 jours. Dans un grand élan, les 50 000 personnes massées place Saint-Pierre à la nuit brandissent mouchoirs, foulards, criant leur joie. Cependant que du toit de la chapelle Sixtine, après une légère interruption, la fumée blanche réapparaît et ressort de plus belle. C'est un grand moment pour Rome et pour le monde. Le 16 octobre 1978, Jean-Paul II, nouveau pape, est nommé. S'ouvre alors une nouvelle phase dans l'affrontement entre le courant lefebvriste et Rome. l'élection du cardinal polonais est accueillie favorablement par les milieux traditionnalistes. D'ailleurs, Jean-Paul II montre des signes d'ouverture dès son arrivée. Il rencontre Marcel Lefebvre le 18 novembre, un mois seulement après sa nomination, puis, dans les années qui suivent, il tente de reconquérir les fidèles traditionalistes en accordant, en octobre 1984, le retour, sous certaines conditions, de la messe en latin. Enfin, il demande au cardinal Ratzinger, futur Benoît XVI, de mener les pourparlers avec Mgr Lefebvre. On se dit, à ce moment-là, que la voie de la réconciliation est bien engagée. Pourtant, et au fil des années, la situation se détériore. Mgr Lefebvre réalise que Jean-Paul II poursuit en fait la voie engagée par Vatican II, celle de l'ouverture, de la liberté de conscience, de l'œcuménisme. En octobre 1986, le pape organise les rencontres interreligieuses d'Assise, une invitation envoyée aux différentes religions en faveur du dialogue et de la paix. Pour Marcel Lefebvre, c'en est trop. Le nouveau pape pousse la logique moderniste encore plus loin que ses prédécesseurs. Alors, l'évêque protestataire reprend son bâton de pèlerin et durcit son discours. Le pape Jean-Paul II est aussi porté aux réformes que le pape Paul VI. C'est lui qui fait changer les évêques et qui met des évêques collaborateurs. Vous voyez les amourettes qu'il a avec les protestants, enfin, c'est un inouï. Et puis, la liberté religieuse, les droits de l'homme, l'homme, enfin, c'est toujours cet humanisme dont le pape est infesté. Au-delà de cet affrontement et les mots employés par Mgr Lefebvre, il y a une question qui préoccupe particulièrement ce prêt-là, celle de sa succession. Car il le sait, pour que son œuvre soit pérenne, il doit nommer des successeurs. Et il n'y a qu'une solution, ordonner des évêques. Un acte qui provoquera de facto son excommunication. De son côté, Rome suit toujours sa logique, éviter à tout prix un schisme. L'Église ne peut se permettre de faire la démonstration d'une nouvelle division, d'où cette sorte de pacte dans la bataille, à Mgr Lefebvre la dureté des propos, à Rome la négociation et le compromis. La stratégie de Jean-Paul II est donc de poursuivre les discussions. Le 5 mai 1988 commence une étape décisive, une dernière tentative face aux menaces répétées de Mgr Lefebvre d'ordonner des évêques. Il se rend à Rome pour rencontrer le pape et surtout signer un protocole d'accord qui doit établir une médiation entre les deux camps. Négocié par le cardinal Ratzinger, le protocole s'ouvre sur une déclaration dans laquelle Marcel Lefebvre reconnaît l'autorité du pape et la messe selon le rite établi par Vatican II. Sur l'épineuse question du concile, Rome laisse la porte ouverte, ne demande pas une adhésion globale, certes, mais en échange de cette concession, impose à l'évêque d'arrêter ses critiques à l'encontre de l'autorité pontificale. On lui accorde également l'ordination d'évêque, mais avec l'accord de Rome concernant le choix des candidats, et enfin, la fraternité Saint-Pudis pourra bénéficier d'une représentation au sein d'une commission à la Curie. Lefebvre se donne une nuit de réflexion. Le lendemain 6 mai 1988, il décide finalement et contre toute attente de retirer sa signature. Le protocole d'accord ne verra pas le jour. L'évêque s'enferme alors dans sa logique radicale et fait de nouveau pression sur Rome en demandant plus, toujours plus. Refus de Jean-Paul II. Après plus de 10 ans de lutte, tout compromis est finalement impossible. Le schisme est inévitable. Lefebvre décide donc d'aller jusqu'au bout et annonce la consécration des évêques pour le 30 juin 1986. Et jusqu'au bout, lui aussi, le Vatican, tente de sauver la situation. Un émissaire est envoyé, un de plus, le jour même de la cérémonie, pour essayer une dernière fois de convaincre l'archevêque. En vain. À l'annonce de son excommunication, Lefebvre réagit. Enfin, depuis le concile, ce que nous avons condamné, voici que les autorités romaines l'adoptent. Nous avons condamné le libéralisme, nous avons condamné le communisme, le socialisme, le modernisme, le sionisme, toutes ces erreurs que nous avons condamnées. Voici maintenant qu'elles sont professées, adoptées, soutenues par les autorités de l'Église. Si vous ne faites pas quelque chose pour continuer cette tradition de l'Église que nous vous avons donnée, tout disparaîtra, l'Église disparaîtra, les âmes sont toutes perdues. À Après plus d'une décennie de combats, le constat du côté des intégristes de Mgr Lefebvre est clair, limpide. La séparation est inévitable parce qu'il s'agit d'une séparation au cœur même de la foi. Selon eux, il y a la leur, traditionnelle, véritable, d'avant Vatican II. En face, il y a celle de Rome, du concile moderne et libéral, dichotomie dont la messe est le pivot, à la fois concret et symbolique. Reste cette épineuse question. Que ce soit à Écône ou à Rome, on se demande que faire des fidèles de Mgr Lefebvre, des membres de la Fraternité Saint-Pilice et des prêtres, élèves et professeurs d'Écône. Pour Rome, la logique est toujours la même, maintenir le mieux possible la communion de tous ses membres. D'ailleurs, dès l'annonce de l'excommunication, une trentaine de prêtres et séminaristes se séparent de Mgr Lefebvre et avalent leur chapeau. L'archevêque de Paris, Mgr Lustiger, annonce qu'il tiendra une messe en latin à Notre-Dame de Paris, comme pour rappeler la communion et l'unité des membres de l'Église. Marcel Lefebvre, lui, aura continué son combat en dehors de l'Église depuis Écône jusqu'au 25 mars 1991. Il est mort ? Oui, il est décédé cette nuit, madame. Oh là là ! Oui, il est au ciel. Mais heureusement, il a consacré des évêques, justement, pour le remplacer. Vous voyez, vous sentez sûrement quelque chose, voilà. Il a pour dit, sauver il l'Église, a... voilà. C'est un homme qui a eu du courage. Parce que s'il n'avait pas pris les dispositions qu'il a prises, dans le concile, il y a peut-être des choses bien, mais il y a aussi beaucoup d'erreurs. Et le concile n'a pas amené les améliorations qu'on espérait, au contraire. Il représentait justement celui qui a remis de l'ordre dans l'Église et qui, heureusement, l'a sauvé. Mgr Lefebvre est venu avec nous à l'île-Dieu, ça a fini sur la tombe du maréchal Pétain, et ça, je ne l'oublierai jamais. Après le décès de son leader charismatique, on a d'abord cru que la mouvance lefebvriste, divisée entre ceux qui réintégraient l'Église et ceux qui restaient en dehors, s'essoufflerait. Force est de constater, avec le recul, que les intégristes se sont maintenus, renforcés même, adaptés, pour continuer à défendre leur vision du catholicisme, de la foi et donc du monde. Alors, il a fallu établir des distinctions, affiner les dénominations entre traditionalistes, intégristes, lefebvristes, notamment à Rome, où on en a toujours maintenu le dialogue avec la Fraternité Saint-Pie X et ses fidèles. La question pour le Vatican reste toujours la même. Comment laisser de côté une communauté qui réunit tout de même des centaines de prêtres et de séminaristes, des milliers de fidèles, à un moment, justement, où l'Église catholique cherche un second souffle? Une manière aussi pour Rome de reposer sans cesse cette question au cœur de son histoire, celle de la tension permanente entre tradition et modernité, entre hier et demain. Dropped into the luxury of the lords, fighting dragons and crossing swords, with the people against the hordes who came to conquer. Seven o'clock in the morning, here it comes, I taste the warning, and I'm so amazed I'm here today. Seeing things so clear this way, in the car and on my way to Stonehenge. I'm flying in Winchester Cathedral, sun pouring through the break of day. Stumbled through the door and into the chamber. There's a lady setting flowers on a table, covered lace. And a cleaner in a distance finds a cobweb on her face. And a feeling deep inside of me tells me this can't be the place. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Monseigneur Lefebvre avec notre invitée Bernadette Sauvager. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes journaliste au journal Libération, spécialiste des questions religieuses. Je note d'ailleurs au passage, comme vous l'avez certainement noté, que Monseigneur Lefebvre est né en 1905. Hein. Absolument. C'est l'année de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Ça signe. Ça s'invente pas. Alors, revenons sur la notion de schisme que nous employons pour parler de cette affaire, que les médias emploient aussi et que Monseigneur Lefebvre utilise également. Est-ce que le terme est valable en l'espèce, schisme? Parce que ça peut apparaître aussi comme un schisme qui n'a jamais voulu dire son nom, en tout cas de la part de Rome. Ah, je pense que c'est un schisme, moi. Effectivement, du côté des lefévristes, eux ne se vivent pas comme schismatiques. Et ils pensent qu'ils sont la vraie Église. C'est la différence, mais je crois que en termes de droit de l'Église, c'est un schisme. Monseigneur Lefebvre est passé au-delà du Rubicon. Il a ordonné des évêques alors qu'il n'avait pas le droit, quoi. Donc c'est un schisme. Et on voit bien, il y a une constante. Hein. On va rappeler ce qui s'est passé avec Luther. Luther en 1517, en 1517, il ne pense pas qu'il va créer une autre Église. Il pense qu'il va réformer l'Église. Il y a toujours cette volonté-là au départ. Et puis finalement, ces réformateurs de gauche ou de droite, ou du centre, ou du bas, ou du haut, ils finissent toujours à être mis en dehors de l'Église. Donc Monseigneur Lefebvre, il a été mis en dehors de l'Église. En revanche, du côté de ses fidèles, eux ne se vivent pas comme des schismatiques. Ils sont la vraie Église. Alors, en quoi la crainte du schisme, qui est arrivée au bout du compte, est-elle si forte du côté de Rome, qui quelque part s'est mis à genoux, si je puis dire, devant ces nostalgiques d'une Église traditionnelle? Parce qu'on a bien vu dans le récit Rome, et c'est toujours de négocier, au nom de l'unité de l'Église. C'est Rome est pieds et poings liés à cette notion d'unité de l'Église, c'est pour ça? Parce que finalement, ils gagnent la bataille avant de la perdre. Oui, je crois qu'ils sont en train de la gagner. Aujourd'hui. Alors on y reviendra aujourd'hui. C'est intéressant. Mais non, alors reprenons. Oui, mais je crois que c'est vrai que pour un pape, perdre une partie de son troupeau, c'est un échec. C'est une tâche. C'est bien pour ça qu'il y a eu cette volonté très forte chez Benoît XVI, à partir du moment où il a été pape, de tracer le chemin pour rattraper ce qu'il a loupé en 88. Sur les épaules de Benoît XVI en 2005, il y a cet échec de 88. C'est la mission du pape. Alors, d'incarner cette unité de l'Église. Et bien précisément, puisque vous dites ça, est-ce que, alors, au passage, parlons un peu de Jean-Paul II, qui était un pape vraiment très marquant pour 10 000 raisons, mais notamment celle-là, c'est qu'il a ouvert l'Église à la rencontre avec les autres confessions, l'œcuménisme, assise. Est-ce que finalement, il est passé peut-être à côté de l'essentiel, Jean-Paul II, l'unité de l'Église? Ah, je pense pas. Je crois que on est dans un monde. Le pontificat de Jean-Paul II, c'est le monde d'après la chute du mur, hein, avant et après, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt dans cette optique-là. Jean-Paul II est un pape politique, essentiellement politique. C'est pas un pape théologien. Donc, il fait de la politique, Jean-Paul II, comme aujourd'hui François. C'est Benoît XVI qui est Ratzinger, qui fait de la théologie derrière Jean-Paul II. Donc, c'est Ratzinger, futur Benoît XVI, qui va gérer l'affaire théologique. Je crois que c'est l'intérêt. Peut-être un peu brutal de dire ça comme ça. Je pense que ça ne l'intéresse pas trop, ces affaires de boutique, Jean-Paul II, en fait. C'est pour ça qu'il avance, et il avance comme un bulldozer, et qu'il m'aime me suivre, quoi. Listen, the masses form to cure the common condition. Oh, like it's a cloud. in the roving sky. The lights will shine through to this close by. And the best of me, I won't settle for less. I'm convinced, and once I'm convinced, then I manifest. A catalog of parables is broke down in the tongue. That's been corrupting, no substance to be hidden from. Now we see rough, rough forth from a dream. A stream underwater without a hops in the scene. Not the pacifier, but homie, the truly changed. When you step in the heavens, you see the stars rearrange. So be evolution of change, the pulsate, the mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than soldiers lathered. Don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. With doubt and fear, jealousy, things that cause casualty to your soul. Let it go. Most of all, we hope. Bernadette Sauvager, je rappelle que vous êtes journaliste au journal Libération, spécialiste des questions religieuses. Alors, donc, revenons au Concile de Vatican II qui met le feu aux poudres. Hein. Donc c'est une initiative de Jean XXIII. Alors ça, c'est aussi une histoire incroyable. Voilà un pape qu'on élit, vous n'allez pas me contredire, je crois, comme un pape de transition. Hein. Il est un petit peu vieux, bon. Ouais. Puis il est plus moderne que... Oui. Il est plus moderne que tous. Alors peut-être quand même un petit mot sur ce pape-là, Jean XXIII, qui n'est pas le plus connu, mais qui est peut-être le plus important des papes de l'après-guerre, eu égard à la réforme, qui est une vraie réforme qu'il engage, qui est celle de Vatican II. Ouais. Moi, je dirais que c'est le privilège de la vieillesse, en fait. La sagesse. Oui, et puis de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, quoi. Oui. On n'a plus de compte à rendre, quoi. Si ce n'est qu'à soi-même, enfin, j'imagine ça comme ça, quoi, je ne sais pas. Je ne suis pas encore trop vieille, mais j'imagine quelque chose comme ça, quoi. C'est-à-dire que finalement, il a une liberté, justement, parce que les jours lui sont comptés, donc allons à l'essentiel, quoi. Et effectivement, dans l'esprit des gens qui l'élisent en 58, c'est un conservateur. Et alors, est-ce qu'il a piéger son conclave. On peut le dire aussi pour François. Finalement, aujourd'hui, je pense que les cardinaux qui l'ont élu en 2013 ne le rééliraient pas en 2016. Donc peut-être que les cardinaux qui élisent ce pape, Jean XXIII, ne l'auraient pas réélu une fois qu'il a fait son coup d'éclat. En tout cas, ce coup d'éclat, il est quand même parfaitement réussi, hein, même si il y a une opposition au sein de l'Église. Ça a tourné quand même une page de la modernité, donc c'est extrêmement important. Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est que Monseigneur Lefebvre part du même constat, hein, c'est-à-dire que l'Église perd ses ouailles, des affections. Il y a une religion qu'il faut dynamiser, des fidèles à reconquérir. Alors, au départ, rappelons-le, finalement, Monseigneur Lefebvre et Vatican II, sur le postulat, sont d'accord. Ah. Moi, je crois que pour comprendre Marcel Lefebvre... Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Oui, oui, oui, oui. Je pense que pour comprendre Marcel Lefebvre, il faut... Voilà, c'est Tintin au Congo, quoi. C'est le missionnaire, quoi. Ouais. Je pense que c'est un chef. C'est un chef et un résistant et un missionnaire, quoi. Et il a ce... D'où ce côté jusqu'au boutiste. Ah, parce oui. qu'on voit certaines fois, oui. quand même, dans l'histoire, on se dit, mais il y a des moments où il aurait pu freiner un peu. Non, oui. il y va. Vous entendez les mots qu'il emploie oui. quand il parle de oui, Jean-Paul II et de ses idées infestées. Enfin, le mot est quand même extrêmement oui, violent. Quoi. Oui. Je crois que grosso modo, je pense que on a beaucoup parlé de la messe en latin. grosso modo, l'histoire de la messe en latin, c'est un détail de l'histoire, de cette histoire-là, en tous les cas. Je pense que le fond de la question, Jean-Paul II aurait autorisé la messe en latin, Benoît XVI l'a fait quelques années plus tard. Le fond de l'histoire et le fond de l'opposition de Marcel Lefebvre, c'est pas trop la messe en latin, et je pense que sur la messe en latin, le compromis était facile à trouver. Mmh. En revanche, sur l'idéologie, la politique, la théologie, ça c'est plus compliqué. Je pense que l'opposition radicale de Lefebvre, elle est idéologique. Elle est l'Église n'a pas à transiger avec la modernité. Avec ses principes fondateurs. Et avec sa tradition. Bien sûr. Je ne sais pas si c'est les principes fondateurs, en tout cas, avec sa tradition. Vous avez parlé dans le récit d'Assise. Mais ce qui choque à l'époque Marcel Lefebvre, c'est aussi et surtout et d'abord la visite de Jean-Paul II à la synagogue de Rome. Alors, il est dans une tradition très maurassienne, quand il parle de sionisme. Il parle de sionisme. Parmi les périls pour lui, il y a le sionisme. Oui, mais on entend autre chose. Oui, bien sûr. Il est prudent, mais on entend autre chose. Il est dans le vieil héritage maurassien national-catholique, Marcel Lefebvre. Peut-être plus, d'ailleurs, que ses héritiers d'aujourd'hui. Alors, justement, très bien. Vous parlez des héritiers d'aujourd'hui. Nous allons nous tourner vers Anaël Verzeau, reporter pour Affaires Sensibles. Bonjour, Anaël. Bonjour, Fabrice. Vous êtes rendu là où il fallait se rendre pour savoir ce qui reste, finalement, de cette mouvance traditionnaliste en France. Alors, où êtes-vous allé? À l'église Saint-Nicolas du Chardonnay. C'est une église traditionnaliste, comme vous venez de le préciser, qui est située en plein cœur de Paris, dans le 5e arrondissement. Et j'y étais pour assister au cours de catéchisme de l'abbé de Larocque. Alors l'abbé de Larocque, lui, en tant que membre de la fraternité Saint-Pidis, partage exactement les idées de Mgr Lefebvre et il les transmet dans ses cours qui attirent environ 150 personnes par semaine. Très bien, on écoute votre reportage, Annelle. Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, Saint Pidis. Bienvenue à tous à ce cours de catéchisme pour adultes. Donc le catéchisme, en un mot, c'est effectivement un résumé des vérités chrétiennes, des vérités révélées. Vous voyez, le but de la foi chrétienne n'est pas la paix dans le monde. Le but du Christ, s'il est mort sur la croix, c'est pas pour mettre la paix dans le monde. Il est mort sur la croix pour nous ouvrir le ciel. C'est quand même plus sympathique la Bible qui nous apprend à ne pas tuer, à ne pas voler, c'est quand même plus sympathique qu'un Coran qui nous apprend à tuer les créants, quoi. Enfin, c'est pas la même chose, si vous voulez. D'accord. Dieu est charité. En latin, et nos credidimus caritati. Nous avons cru à la charité de Dieu pour nous. Et nos credidimus caritati, c'est la devise épiscopale de notre fondateur, de Mgr Lefebvre. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Vous chantez aussi? Non, je ne chante pas. Non, non. Vous étiez au cours? Oui. Vous êtes baptisé ou pas? Oui. Et vous assistez aux messes en latin ou pas? Oui, oui, oui. Pour vous, c'est important? Ah, mais c'est important, c'est l'Église, c'est la vraie, c'est la messe que le Seigneur a donnée. On n'a pas changé la forme de messe. Il y a eu des manifestations de Civitas, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était contre le mariage pour tous. Oui. Vous y étiez? Oui, bien sûr, j'y suis allée. Ben, le mariage homosexuel, c'est contraire au commandement de Dieu, déjà. On ne peut pas commettre de telles horreurs. Comment vous appelez votre prénom? Sylvie. Et Sylvie, qu'est-ce que vous pensez du pape François? Parce qu'il n'est pas tellement en accord avec vous. Ah, mais moi, je ne suis pas d'accord avec lui non plus. Quand il dit que toutes les religions mènent à Dieu, je ne suis pas d'accord. Il n'y en a qu'une religion, c'est celle du Christ. C'est celle qui fait là. Une religion qui prône la haine des autres, qui décapite des gens, ne peut pas venir de Dieu. Pour vous, c'est la religion musulmane qui décapite les gens? Mais bien sûr, c'est marqué dans le Coran. Vous êtes sûr que c'est tous les musulmans qui pensent comme ça? c'est pas une... C'est le Coran. C'est dans le Coran. Et Sylvie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous travaillez? Oui, je travaille. Je travaille, je suis fonctionnaire. Je travaille à la mairie de Paris. Monsieur l'abbé de la Roque, voilà. On vient d'assister à votre cours. Alors, c'est un cours de catéchisme pour adultes débutants et qui, chaque semaine, réunit à peu près 120 à 130 personnes. Et donc, sur ces 120 à 130 personnes, peut-être que les deux tiers, en fait, découvrent complètement la foi catholique. Ouais. Nous, on s'interroge sur ce qu'il reste de Monseigneur Lefebvre aujourd'hui. Alors, je ne parlerai pas en termes de reste, je parlerai en termes de fruits, pour ma part. Aujourd'hui, il y a le pape François qui n'est pas vraiment en accord avec vous, enfin, qui semble plutôt poursuivre l'œuvre de Vatican II. Mmh, complètement. J'ai une très grande prière pour le pape François, mais oui, de ses actes, de ses décisions, il y a à mon sens, dans plusieurs d'entre elles, des choses qui ont été dramatiques et qui sont dramatiques et qui seront dramatiques pour l'Église. Par rapport au mariage, tout d'abord. Le pape a publié deux décrets dans lesquels il facilite énormément la procédure de nullité de mariage. Il introduit par là ce qu'on appelait le divorce catholique. Et pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique parce que l'Église, qui est garante du bien des familles, eh bien là, trahit sa mission. Il vous avait reçu des membres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie-X. Oui, il a reçu notre supérieur général. Pour un accord, dans l'idée de vous réintroduire dans le cadre officiel. Ce que nous cherchons, nous, c'est pas d'être reconnu, c'est pas une image que nous cherchons. Moi, le regard des autres sur moi m'intéresse assez peu. Le drame auquel nous assistons, c'est que les papes récents, malheureusement, trahissent énormément la mission qui est la leur. Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie. Un reportage d'Anaël Verzo. Bernadette Sauvager, un état laïque se doit aussi de protéger le culte, hein, faire la liberté du culte, pardon, la liberté du culte. Donc ces gens-là pensent ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, dans leur église, ça les regarde, hein. Il y a des propos qui, peut-être, nous inquiètent un peu, même si c'est marginal, par rapport au nombre de chrétiens et de catholiques, de cette dame qui dit, de toute façon, les musulmans, c'est écrit dans le Coran, ils sont là pour nous décapiter, et on se dit, mais, on n'est pas sorti, quoi, si on entend des choses comme ça. Alors, que reste-t-il au-delà de cette église parisienne, de l'idéologie lefévriste et de ce courant-là? Alors d'abord, c'est une affaire qui est mondiale, hein, la fraternité Saint-Pie-X. C'est pour ça que je dis au-delà de Paris. Hein. Voilà. Mais on dit à peu près 500 000 de fidèles, 600 prêtres. Mais c'est une affaire aussi très franco-française. Dans ce sens où, dans les fidèles de la fraternité Saint-Pie-X, dans les fidèles lefévristes, c'est un tiers la France. Hein. Donc, avec cette spécificité française. Un tiers des fidèles. Des fidèles catholiques sont... Ah non, un tiers des 500 000, pardon. Ah oui. Un tiers des 500 000 sont français. Un tiers des fidèles lefévristes sont français. C'est une histoire très française, d'abord parce que Marcel Lefebvre est français, parce que Saint-Nicolas du Chardonnet est une espèce de cathédrale symbolique du lefévrisme. Hein. Du coup, Bourget a bien réussi sa prise de la Bastille. Et puis, avec cette spécificité française, alors qui est très française, des liens entre Église et politique. Parce que pour la France, en tout cas, pour la branche française, c'est un projet religieux de maintenir la tradition, d'être la vraie Église, mais c'est aussi un projet politique. C'est le retour du régime de chrétienté, avec, pour certains derrière, des idées royalistes. Le radicalisme des lefévristes, il est en France. Eh bien, ce sera le mot de la fin, car nous sommes déjà à la fin, Bernadette Sauvager. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.